étoiles qui passent là-haut et qui scintillent dans ma nuit. C'est un chant du passé, une de ces vieilles chansons où l'on implorait les esprits. On leur demandait la pluie, parfois le soleil, souvent la lune. Capable de croire à toutes ces lois qui nous mènent, négligeant toutes ces forces alentour qui nous entraînent. Capable de croire à toutes ces lois qui nous mènent, négligeant toutes ces forces alentour qui nous entraînent. On n'a pas d'avenir si l'on ne peut se souvenir de son passé. On n'a pas d'avenir si l'on ne peut se souvenir de son passé. D'un homme, juste une apparence, avec tant d'humanité. Comme une toile de sésame, écrasée sous le soleil et la chaleur. N'est-ce pas que nous sommes tous devenus une apparence sans existence? Capable de croire à toutes ces lois qui nous mènent, négligeant toutes ces forces alentour qui nous entraîne. Capable de croire à toutes ces lois qui nous mènent, négligeant toutes ces forces alentour qui nous entraînent. Car on n'a pas d'avenir si l'on ne peut se souvenir de son passé. On n'a pas d'avenir si l'on ne peut se souvenir de son passé. Alentour qui nous entraîne, car on n'a pas d'avenir si l'on ne peut.